Une petite randonnée dans la montagne. J'étais parti faire une randonnée au col de Loustou, en plein cœur des Pyrénées, à plus de 13 000 mètres d'altitude. Après être parti à 6 heures du matin, je me retrouvais à midi, à mi-chemin dans la vallée de la Pitrade, en contrebas, avant la grande montée vers le col. À ce moment-là, j'entendis une voix sur le haut de la crête qui me faisait face. C'était comme un chant de tyrolien, mais je reconnus plutôt une voix féminine. Je passais un long moment à me diriger sur la crête. Cette personne m'invitait à la rejoindre au sommet. Je vis que c'était une femme à sa silhouette. Plus je m'approchais, plus je distinguais cette silhouette. Longs cheveux noirs jusqu'à la taille, visage affiné, silhouette mince, une belle peau éclatante, au teint mat. Elle était assise sur une pierre. Elle mangeait du fromage, contemplant le paysage d'une manière méditative. Je m'approchai, elle me regarda soudain. Un peu de fromage ? Hein ? Quoi ? Veux-tu acheter fromage, Vigneux, de l'endroit du dimanche ? Hein ? Mais vous m'avez appelé pourquoi ? Ben pour partager un coup de fromage. Quoi ? Mais je pensais que vous aviez un problème, que vous étiez en danger. Ben non ! Attendez, vous m'avez fait monter le flanc de la montagne juste pour partager un bout de fromage ? Mais vous êtes sérieuse là ? Ah ben non, c'était pas seulement un bout de fromage. Regarde donc dans mon escouir. Du pain, du vin de pignon, du pâté, des livres, des chips. Regarde les boîtes chips. Et puis, tarte aux framboises. Ben, ouais, quand même. Vous m'avez fait marcher une heure pour vous rejoindre. Je suis crevé, moi. Et oh, il y a quoi dans votre tête ? Ah ben, je me dis que tu devais te sentir un peu seul par ici. Hein ? Ah ben ouais, mais quand même, je suis monté une heure pour venir vous voir, parce que ben, je pensais qu'il y avait un danger, quoi. Ah mais ce qu'il insiste, le bougre. Mets-toi à l'aise, pas la peine de monter le bouchignon. Regarde le paysage, c'est pas beau ça, regarde-moi, c'est pas belle, avec ma tarte aux framboises. Tu veux peindre encore ? C'est vrai qu'elle était belle, avec ses grands yeux couleur algue de Bretagne. Et puis, c'est vrai aussi que je me sentais seul. Ouais, bon, je veux bien manger un bout avec vous. Bon, voilà, c'est quand même l'occasion. Comment tu nommes, dis ? Hein ? Oh, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Ulysse. Ah, mais moi, c'est Yolena. Attendez, vous avez parlé normal, là, et puis là, tout à coup, vous parlez en gaz de la campagne, tu peux dire, hein, tu sais. J'ai l'habitude. Mais non, désolé, mais j'ai cru que vous aviez une autre voix pendant une seconde, là. Écoute, respire le bonheur, mange et pète un coup. Et puis, fais la sieste d'un Kodak. D'un Kodak. Oui. Regarde et contemple. Un paysage des plus beaux s'offrait à la vue de nos amis. À plus de 13 590 mètres d'altitude, la chaîne des Pyrénées offrait un panorama des plus incroyables. Une heure passa. Elle le regarda profondément, comme si elle sondait son âme, alors qu'il roupillait. Ben alors, réveille-t-y, nom des dieux ! Réveille-t-y ! Ah ouais, c'est bon. Bon alors, tu vas où, dis ? Au sommet des montagnes ? Désolé, je comprends toujours pas la moitié de ce que vous dites. Ok, c'est bon. Bon, c'est quoi ta destination ? Tu vas où ? Soudain, sa voix avait changé. Une chaleur s'était emparée de son timbre de voix. Je vais au pic de la Pitrade, à 14 040 mètres. Attendez, vous avez une voix normale maintenant ? Ouais, j'avoue, c'est ma vraie voix. En fait, j'étais PDG dans le groupe Poltron et Sofa. Voilà, j'ai tout quitté pour venir à l'essentiel, quoi. Hein ? Waouh ! Tu comprends, je vais pas retourner dans cette vie-là, quoi. Je suis une fille de la campagne, en fait. Est-ce que je peux reprendre ma voix naturelle ? À ta guise. Elle fit un grand mouvement de cheveux, d'une sensualité incroyable, et dit alors... C'est quand même plus agréable les pieds en accord avec le paysage, tu vois. Ah. Au cœur des montagnes venait de se tisser une rencontre inattendue. Une rencontre que seule la nature était capable d'organiser. Et ils vécurent heureux, loin de la civilisation, en parlant le ch'ti du Portugal.